Aujourd'hui, je vais faire des courses. Je veux acheter un chemisier blanc et surtout une belle robe. Une belle petite robe blanche. J'adore les robes françaises. Elles sont belles. Oh, je voudrais aussi acheter un manteau noir et une paire de chaussures noires. Le noir va avec tout. Je n'aime pas la mode canadienne. Elle ne me va pas. Et puis, ici, à Paris, je peux trouver des robes à ma taille. Je prends du 38. À Québec, je ne peux pas trouver ce genre de robe. C'est la même histoire avec les chaussures. Je chausse du 35. Au Canada, je ne peux pas trouver cette pointure. Mais aujourd'hui, je vais aller dans les grands magasins pour acheter une robe. Je vais aller au boulevard Haussmann. Il y a plusieurs grands magasins sur ce boulevard. Mais où se trouve le boulevard Haussmann? Je ne sais pas. Je vais demander à ce beau jeune homme. C'est le réceptionniste de l'hôtel. Il est gentil, très gentil.